faire piquiter. Ensemble, je m'étonnais. Et je suis là pour s'entraîner. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Comme il n'est pas venu sonner. Et c'est un combat picolé. Je n'arrête pas de me demander. Pourquoi, pourquoi tu t'es flagué? Pourquoi, pourquoi tu t'es suicidé? Pourquoi, pourquoi tu t'es flagué? Pourquoi, pourquoi tu t'es suicidé?